avant de pouvoir le choisir. Mon chemin de lumière, je n'en voulais pas. Je me détournais chaque fois. Il m'aura fallu bien longtemps. Il m'aura fallu bien le temps. Je n'avais pas sur tous les chemins, je me suis égarée si loin, j'ai fermé les yeux.